Le Comité africain d'études des Ejujutsé a publié le vite courant une déclaration contre les exercices militaires américano-sud-coréens. En affirmant que ce présent simulacre de guerre sans précédent dans l'histoire revêt un caractère extrêmement provocateur et agressif, opposé aussi à la charte de l'ONU, la déclaration réclame aux États-Unis d'être sérieux à la politique envers la Corée pour la paix régionale et dans le reste du monde.